Ready to work out? You should have your running shoes on because we're going to be going straight into the aerobics in a little while and you won't want to stop with your shoes on. Right now we're going to start with the warm-up. Bienvenue dans Jogging Bonito sur Radio Ravito qui émet en Kalmouki et dans la principauté de Sealand. On espère que vous êtes heureux de retrouver votre émission préférée consacrée au sport pédestre avec ce soir trois sujets. D'abord, pour ou contre l'utilisation des gels énergétiques saveur poulpe gingembre. Ensuite, un test de l'application qui géolocalise les runners libertins dans les files d'attente des toilettes du marathon de Paris. Et enfin, l'UTMB est-il devenu trop facile depuis qu'il a été déplacé à Tourcoing ? David ? Ouais. David, ouais, ça va ? Ouais, ça va, Margie. Je te dérange qu'est-ce pas ? Non, mais j'étais juste en train de faire des trucs. Ouais, ok. Ouais. Bon, bah, je vais, si ça t'embête pas, je vais reprendre les rênes du podcast. Ça suffit, okay. Là ? Ouais, ok. Pardon. Ok, on est parti alors. Pardon. Bon. N'étant pas aussi doué que David pour vous faire une intro de ouf, je vais aller à l'essentiel. Bienvenue dans l'épisode 17 de Jogging Bonito. Nous sommes heureux d'avoir pu constater votre enthousiasme face à nos changements de rôle sur l'épisode précédent. C'était fun à faire pour nous aussi. Et comme il vous faut un an pour écrire une chronique, ben, je vais revenir à la présentation quand même. Et puis bon, David a tellement bien assuré mon rôle que j'aurais trop peur qu'il prenne ses aides. Et puis j'aurais du mal à le déloger, on vient d'en avoir la preuve. Alors ce début d'été, c'est l'effervescence dans les baskets. La belle-mère, le bof et même votre boulangère vous ont fait profiter de tous les détails de leur dernière foulée. Et ça, c'est pas pour déplaire à notre David, pro-démocratiseur de la course à pied. Salut David. Salut Marjolaine. Alors, est-ce que j'ai fait le job le mois dernier à la présentation ? Ah ouais, trop bien même. C'est pour ça que je préfère... Je vais essayer de stand up my game là aujourd'hui. J'espère que t'as pris exemple. c'est ça. Bon, ouais. De son côté, Emir, c'est peut-être lancer un nouveau défi pour l'année, battre son record kilométrique. Les courses s'enchaînent chaque week-end. Et ce mois-ci, il a pris son jour de repos sur Jogging Bonito. Pas de chronique. Bon, il est tout de même avec nous, les doigts de pied en éventail, devant son micro pour partager sa grande sagesse. Salut Emir. Salut les amis. Ça va ? Oui, ça va très bien, vous ? Ça va très bien. Ça me rassure de ne pas avoir de chronique ce mois-ci, hein, la pression descend, parce que non seulement il faut assurer les kilomètres, mais en plus il faut assurer les chroniques, je crois que j'arrive pas à gérer tout en même temps. Donc le fait de rester en auditeur libre et de ne faire que des remarques, ça me va très très bien. Ouais, ça sera parfait. Mais les bonitos, pas d'inquiétude, vous en aurez pour votre argent, car aujourd'hui, nous accueillons un invité de choix, un invité qui nous a fait le plaisir d'écrire une chronique. Si vous nous suivez, vous le connaissez déjà, et avez peut-être déjà écouté son podcast que nous vous avons recommandé à plusieurs reprises, le podcast Comme en passant. Nous avons le plaisir d'avoir Xavier avec nous. Salut Xavier, merci d'être là. Bonjour, bonjour. Bah merci de m'inviter. Salut. J'espère Salut, que tout Xavier, va bien. C'est cool. Cool d'être là. Oui, j'ai le trac, hein, je vous avoue. Ah bah, il faut pas. C'est nous qui avons le trac. On va essayer d'être à ton niveau. De alors. Te déglinguer. Je suis venu parce que j'avais envie de me déglinguer un peu. Ah bon. C'est vrai qu'on a probablement une meilleure VMA que toi, Xavier, mais c'est pas une raison pour être intimidé. Bon, en tout cas, moi, je voudrais noter un petit quelque chose quand même et le faire noter au Bonito. C'est que Xavier avait écrit et partagé sa chronique un mois à l'avance. Je répète. Comme moi. Un mois. Ouais, c'est ça. Exactement comme moi. Ça tombe super bien. J'ai pris exemple sur David. Rien que pour ça, moi, je suis OK pour que Xavier revienne. Déjà. Et moi, je propose qu'on place plein de termes un peu difficiles en course à pied pour tout de suite... pour le mettre dans l'ambiance. Centrer le niveau, ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Un peu niveau, intimidé FCM, un petit peu. FCM, VO2 max, tout ça. Alors on notera que j'ai commencé avec VMA déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai eu le temps j'ai eu le temps de regarder sur Google ce que ça voulait dire. bien joué Xavier, tu te feras pas voir. Bon, vous l'aurez compris les bonitos, dans cet épisode vous aurez droit à deux chroniques proposées par David et Xavier, suivies de discussions dans lesquelles Emir viendra bien évidemment mettre son grain de sel. Les titres des chroniques du jour, la fuite et le marketing du bien. Je n'en dis pas plus, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Jingle. Jingle. Jingle bells. Honneur aux invités, c'est Xavier qui se lance en premier. Quelques foulées par-ci par-là, Xavier n'est pas un passionné de la course à pied. Il n'empêche, curieux de tout, il a donné sa chance à Jogging Bonito. Notre point commun, se poser des questions, sa particularité à lui, sa grande connaissance de la philosophie. Les Bonitos, je vous conseille de vous concentrer et écoutons Xavier se poser des questions sur l'idée bien ancrée que les dogmes philosophiques sont inébranlables. Alors j'imagine que c'est à moi. Oui. Et là c'est à Xavier. C'est un bon début, hein, c'est une bonne manière de se lancer. Donc la chronique s'appelle La Fuite. Et donc, eh bien, c'est vrai que je suis certainement le moins sportif des auditeurs de Jogging Bonito. Et pire, mon podcast ne parle jamais d'activité physique. Et en y repensant, j'admets que c'est sans doute une de ses grandes lacunes. Et pourtant, il n'empêche que je suis un auditeur assidu de votre podcast. Et bizarrement, peut-être, je me sens très proche de votre façon de parler de course à pied. En fait, c'est un peu comme si Jogging Bonito faisait un peu la même chose que moi, mais moi je suis assis dans l'herbe, sous un arbre, en train de glander un peu, et je regarde Marjolaine, David et Emir passer. Eux en sont à leur 100e kilomètre, alors que moi, bah, j'ai pas bougé d'un pouce. Bon, laissez-moi réfléchir un petit peu. En fait, il m'arrive de parler de chemin, de marche, de voyage. Je ne suis peut-être pas si encrouté que ça. Mais il faut dire aussi qu'aucun de mes philosophes ni écrivains que j'aime lire n'a érigé l'absence de sport comme modèle. Mieux encore, Nietzsche, le penseur allemand, un bien étrange philosophe pour qui a tenté de le lire, dit dans une maxime que « les grandes pensées viennent en marchant ». C'est dans « Le crépuscule des idoles ». J'ai pris un peu cette maxime à la lettre depuis longtemps, et après tout c'est pas du tout nouveau, ça date pas de Nietzsche. Les élèves du lycée d'Aristote, le lycée c'est le nom qu'on donnait à l'école d'Aristote, se nommaient déjà les péripatéticiens, c'est-à-dire, il vaut mieux expliquer, ceux qui aiment se promener en discutant. Ça vient du grec péripatéticos et ça a aussi donné le nom des péripatéticiennes, mais c'est pas le même métier. Les élèves d'Aristote ne faisaient pas le trottoir, ils faisaient simplement, au lieu de faire cours dans une classe, il le faisait peut-être, hein, j'en sais rien, j'étais pas là, mais en tout cas, maître et disciple marchaient en discourant. On va vérifier tout ça. Ouais. Ah, j'ai écrit ça en... sans savoir. Des écoles grecques, sans oublier le tout cool, Pantarei de Héraclite, du bateau ivre de Rimbaud, du promeneur solitaire de Rousseau, du voyageur et son ombre de Nietzsche, des marches presque fantastiques, périlleuses dans les romans de Victor Hugo, du randonneur en forêt de Descartes, du somnambule de Spinoza, des balades de Proust dans les chemins de campagne. On n'en finirait pas de citer des exemples. Littérature et philosophie nous ont toujours fait admirer des scènes dynamiques plutôt que des gravures figées. Lorsque j'ai dû choisir un sujet de mémoire à l'université, il aurait été commode, bon j'avoue plus ou moins, hein, de rédiger le énième travail sur le rôle des idées régulatrices dans la critique de la faculté de juger chez Kant, de comparer la raison entre tel et tel penseur, de résumer un concept chez un philosophe. Moi j'ai choisi alors la fuite comme sujet. Alors j'explique un petit peu ce que ça... Pourquoi ? Là où certains voient dans la philosophie un ensemble de systèmes soutenus par des écoles à doctrine, je voyais, et je vois toujours, des édifices qui s'affaissent, des concepts en équilibre, tant qu'on ne vient pas rompre cet équilibre artisanal en y ajoutant, je sais pas moi, une pièce manquante. Là où certains maintiennent la philosophie telle un monument, à coups de rustine, de colle, de sparadrap, d'autres, parce que je vous rassure, il n'y a pas que moi, s'en moquent que tout s'écroule tel un temple antique. Les statues peuvent tomber, les systèmes peuvent se fissurer, les concepts peuvent perdre leur perfection. Ça n'est pas un mal pour la philosophie. Si l'édifice Descartes, par exemple, s'écroule, ça signifie pas que Descartes ne mérite plus du tout le titre de philosophe, ou alors qu'il faut plus que l'étudier qu'à titre de personnage de l'histoire des idées. Il faut encore moins ne pas voir que quelque chose d'important s'est effondré, et réparer l'édifice de façon illusoire pour défendre coûte que coûte l'école, comme s'il s'agissait d'être d'une école, et comme s'il s'agissait de suivre la bonne doctrine. Y a-t-il coureur, bon, vous allez me dire si c'est une comparaison qui tient la route, mais y a-t-il coureur qui s'obstine à courir avec de vieilles paires de godasses qui lui font mal aux pieds, avec lesquelles il n'avance plus aussi vite qu'auparavant, sous prétexte qu'elles étaient à la mode il y a 10 ans ? Oui, Emir. Objection. Tout fait. La vérité, c'est que le philosophique n'est pas l'édifice même. Quand Voltaire, dans Micromégas, se moque des philosophes qui fabriquent des systèmes au moindre affolement, je pense qu'il a conscience que, de tous les textes dont il est l'auteur, son dictionnaire philosophique est le moins philosophique. Tout édifice sans un jour le renfermer. Il faut ouvrir les fenêtres, créer le courant d'air, laisser la pluie battre la pierre, le vent secouer la charpente. Voltaire nous indique également que c'est par mesure de sécurité, pour se rassurer, que l'on en vient à créer des systèmes. Ce qui est philosophique dans un système, vous me dites hein, si je vous perds. Ce qui est philosophique dans un système, que ce soit Descartes ou un autre, bon, moi j'aime bien prendre Descartes en exemple parce que j'ai l'impression que c'est pour nous Français en tout cas le philosophe par excellence, et parce que je l'aime bien en plus, et parce qu'on lui fait souvent du tort en le réduisant à ce qu'il n'est pas, à savoir un cartésien. Et ce qui est philosophique, ce ne sont pas les concepts bien dessinés qu'on enferme dans un bâtiment qui serait le système, mais ce qui va s'en échapper tôt ou tard. Tôt ou tard, le « je pense, donc je suis » va se faire malmener. Tôt ou tard, les soi-disant preuves de l'existence de Dieu vont être attaquées. Tôt ou tard, l'âme et le corps comme deux substances distinctes ne tiendront plus en place, là où on les avait exposées avant, comme dans un musée des concepts. Dans un sens pratique, la fuite, s'il y a un concept de fuite, hein, moi je prétends pas être un grand philosophe, mais ce ne serait pas de passer d'un système à un autre, pour échapper à la catastrophe, passer son temps en gros à s'abriter sous un nouvel édifice quand l'ancien ne tient plus debout, mais penser en dehors de tout édifice. S'il y a un concept philosophique de fuite, ce serait pas d'établir, vous voyez, de système, mais ne plus prononcer le mot doctrine. Le mouvement me semble, moi, déjà en marche depuis longtemps. On est peu à peu passé d'ouvrages qui s'appelaient « traités philosophiques » à des ouvrages moins prétentieux, à une simple enquête. On a abandonné les titres trop pompeux, trop lourds, trop prétentieux pour des titres plus humbles, on va dire. Tout en gardant l'arrogance d'avoir quelque chose à penser, bien sûr, parce que un penseur sans arrogance, ce serait un peu... comme un coureur qui court juste pour suivre les autres, genre pas trop vite, il se met un peu derrière, il suit. Et au XXe siècle, on a vu des philosophes comme Châtelet, Foucault et Deleuze penser sans proposer du tout de système. Dans le contexte de la compétition sportive, je me risque à dire que celui qui bat un record de vitesse ne montre pas aux autres qu'il faut faire comme lui, mais il indique qu'on peut faire mieux, et donc autrement. Les penseurs, eux, courent ensemble, mais à différentes époques. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours vu un peu la philosophie, c'est un genre de relais spatio-temporel. Le but n'est pas d'être le premier arrivé à la vérité, ça c'est une ancienne image de la philosophie, mais par un effort individuel, d'augmenter les kilomètres parcourus, et surtout de créer des méthodes nouvelles pour arpenter les pistes déjà empruntées. En gros, il y a des choses qui sont vieilles, mais c'est pas parce qu'elles sont vieilles qu'il n'y a pas à revenir sur elles, quoi. Le philosophe est un genre d'archer. Pour reprendre l'image de Nietzsche, le philosophe ramasse la flèche décochée par un autre penseur avant lui pour la lancer à son tour un peu plus loin, et ainsi de suite. Et pour finir ma chronique, eh bien, je souhaite prêcher pour ma paroisse en vous disant que si la philosophie ne rend pas les hommes libres, elle n'est possible, en tout cas c'est ce que je crois, que pour les esprits libres. Il y a bien des points communs, à mon avis, entre le libre penseur et celui qui prend la poudre d'escampette ou la clé des champs, enfin bref, le coureur libre. Donc bref, un dernier conseil, lisez vite les philosophes, et pas ceux qui prétendent vous les expliquer en les vulgarisant, car à mon sens, hein, c'est très polémique de dire ça, mais pour moi, il n'y a aucun vulgarisateur qui va vous faire rentrer vraiment dans la philosophie, faut attaquer directement les philosophes. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Libre penseur, coureur libre. On retient la liberté. Ouais, bravo, parce que franchement, superbe. Bon, je vais aller dormir maintenant. Moi, je retiens la liberté, qui est chère à Xavier et chère à Geogeek Bonito aussi, hein, faut bien le dire. On comprend mieux pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il nous a reproché. Est-ce que je peux faire une petite rectification, un rectificatif, pardon. Ouais. Ouais, vas-y. Le tout cool, c'est pas Héraclite. Hein. C'est... Moi, j'ai plutôt Kouchen dans la fièvre. Il y a des jours où tout part en couille, tout cool. Ah, mais voilà. J'avais plutôt ça. Attends, je vais changer la fiche Wikipédia. Nico Presto. Pardon. Ok, bon, on va se reconcentrer. Première question, moi, que je veux poser à Émir et David. Est-ce que, parce que sur le thème un petit peu l'aspect méditatif du mouvement, et est-ce que vous pensez en courant, ou est-ce que vous videz la tête? Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que je peux dire? J'ai préparé des projets en courant. Par exemple, des bouts de texte de chansons, ça m'est arrivé. Mmh. Et jusqu'à plus récemment, j'ai même préparé un événement familial. En fait, plus généralement, j'ai l'habitude de prendre le temps de course justement pour réfléchir, peser le pour le contre, prendre des décisions, quoi. Mais pas de trucs quotidiens du genre est-ce que j'ai bien acheté le pain, j'ai mis de l'essence dans la voiture, tout ça. Je m'imagine, je me mets en situation, quoi, on va dire, et que ce soit pour le sport ou non, quoi. Et puis voilà, j'en ai parlé récemment avec ma démarche de courir en pleine conscience. Ouais, quoi. Enfin, justement, ouais. J'essaye de canaliser, tu sais, mes pensées, me concentrer sur le moment présent. Ok, voilà, et la course à pied t'aide à faire ça? Je m'en sers, ouais. Tu t'en sers, ouais. Et toi, Émir? Ça m'arrive énormément de penser en courant, en particulier quand les courses sont longues. En fait, c'est même pas en particulier, c'est uniquement quand les courses sont longues, parce que quand elles sont courtes, en général, je les partage avec des personnes et du coup, je suis pas dans mes pensées. Okay. Quand les courses sont super longues, ça arrive que je pense, mais en général, c'est pendant les moments où je suis seul et en relative zone de confort. Je dis bien relative, hein, parce que quand je suis pas en zone de confort, j'arrive pas à penser puisque je me concentre sur l'effort. Donc ça reste quand même assez peu de temps où j'arrive à penser pleinement et me concentrer sur la pensée et donc produire des choses. Okay. Mais ces moments-là, ça arrive. Et dans les cas où ça arrive, effectivement, enfin, je pense que j'ai des réflexions un petit peu de fond. Et ça arrive très souvent que ça tourne autour de la course à pied elle-même. Le pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je fais en ce moment? Parce qu'en général, quand j'y pense, c'est que je suis sur une course très longue et je me dis le pourquoi je suis là et j'essaye de m'en convaincre, ce qui m'aide mentalement. Parfois, j'essaye d'établir des réflexions qui me seront utiles au-delà de cet ultra et ça m'arrive de penser à des sujets un peu de fond sur comment je vois ma pratique de la course à pied à l'avenir ou comment je vois tout simplement mon avenir. Ça m'arrive de penser à tout ça. Mais voilà, ça se limite à ça, et c'est finalement, et peut-être bizarrement, un nombre d'heures limité sur le nombre total de l'ultra, où j'arrive à produire des pensées, on va dire, productives, au-delà de l'ultra lui-même. Ok. Donc, pour rester sur ce sujet-là, de l'aspect méditatif du mouvement, Xavier, toi, tu as voyagé il n'y a pas longtemps au Japon à pied. Est-ce que tu as retrouvé cet aspect-là aussi lors de ton voyage à pied au Japon ? Moi, j'aime, de toute façon, là, au mois d'avril, en fait, je suis parti trois semaines à un mois au Japon. Et j'ai choisi le Japon, en fait, à partir du choix même de dire, je vais aller au Japon. C'était notamment pour savoir que j'allais pouvoir marcher longtemps, et seul. Dans un environnement super propice à justement à réfléchir, à cogiter sur mon avenir, sur moi-même, etc. Donc pour des raisons, on va dire, pas philosophiques, hein, faut pas non plus tout dire que tout est philosophique. Mais en février, j'ai décidé de me mettre 100% en freelance. C'est un truc qui peut faire peur, où tu te dis ouais, je prends un risque quand même, et en fait au lieu de me tout de suite charbonner à chercher des clients, etc., je me suis dit en fait j'ai besoin d'un petit mois de coupure. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, j'en entends parfois de temps en temps autour de moi qui font ça, aller dans l'Ouest américain pour marcher. Donc là c'était le Japon, et en fait que ça soit en ville ou à la campagne, n'hésitez pas à me dire si je dis rien, hein, mais j'aime beaucoup, en fait, pas marcher juste une matinée, mais vraiment que la journée entière soit consacrée à marcher, parfois avec un itinéraire prédéfini, parfois complètement me perdre, quoi. Parce qu'en plus, le Japon, c'est un endroit... tu peux pas vraiment te perdre ou risquer d'aller dans de mauvais endroits, etc. Donc tu peux te dire, je vais par là, dans cette direction, marcher pendant 6 heures, 7 heures, et tu sais très bien que tu vas avoir des choses jolies, et que... Moi, c'est à la fois pour réfléchir sur moi, sur ce que je vais faire plus tard, et en même temps, me nourrir de l'expérience même de ce que c'est que marcher à l'étranger. Ok, voilà, ouais, super. Juste une toute petite question pratique, Xavier. Tu t'étais préparé à la marche? Non, en fait, la seule chose que j'ai faite, c'est que comme pendant 4-5 mois, je faisais plus beaucoup d'activités physiques, voire quasiment rien. Mmh. En fait, je restais un peu enfermé chez moi. Ce que j'ai fait avant, c'est quand même de reprendre, de trottiner, d'aller faire des petits joggings, de refaire des pompes, des exercices pour que, comme là, je marchais avec une tente, un sac à dos, donc ça fait beaucoup de kilos sur le dos. En fait, mine de rien, faut pouvoir que ça soit agréable, faire en sorte que ça soit quand même agréable, quoi, et pas un effort trop compliqué. Donc, tu t'es préparé un petit peu. Donc je me suis préparé un petit peu, Training plan, c'est bien. Ouais, à ma manière. Et pour revenir à ce que tu disais dans ta chronique, est-ce que tu as une idée de comment ça se fait que certains philosophes, ils ont commencé à choisir de se mettre en mouvement, de marcher notamment pour penser, est-ce qu'il y a une explication à ça? En fait, historiquement, je pense qu'il n'y a pas d'explication, parce que, à ma connaissance, après, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a sûrement des érudits qui ont la réponse, mais moi, j'ai jamais appris en cours. Autant ça, on te l'apprend quand tu suis des cours sur Aristote à la fac, autant personne... Il n'y a pas de texte où Aristote a dit « voilà, c'est ma manière pédagogique, etc. » On n'a pas du tout de traces comme ça, donc on peut que s'interroger, parce que j'ai l'impression que chez les Grecs antiques, là, c'était, je sais pas, 3-4 siècles avant Jésus-Christ, est-ce que il y avait un vrai souci de la posture, quoi, tu vois, si tu veux penser, il faut s'asseoir quelque part. Enfin, moi, j'avais un peu ça en mémoire, c'est le fait que tu veux penser, tu t'assois, tu te mets au calme. Mm-hmm. Alors pourquoi, là, eux se mettaient à marcher, c'est un truc mystère pour moi. Ils en ont peut-être ressenti le besoin. Mais du coup, d'après vous, pourquoi, en fait? Ça apporte Déjà, on sait que... Enfin, j'ai pas de réponse précise, mais on sait que la marche, la course ou le vélo agissent sur le cerveau. C'est-à-dire on sait que selon la cadence, etc., on développe éventuellement un bien-être et tout ça. Donc peut-être que au niveau physiologique, on stimule certaines parties de notre cerveau qui faciliteraient peut-être des moments de réflexion, on va dire, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment une piste que je lance comme ça, j'y connais rien, mais... Ah non, c'est... J'ai en tête le même genre d'information que ce que dit David, le fait de marcher irriguerait davantage qu'en étant en position immobile, évidemment, puisque bon, on stimule pas la circulation sanguine lorsqu'on est assis. Donc le fait d'irriguer les pensées, peut-être d'irriguer le cerveau, activerait certaines zones. Alors je dis ça tout comme David, sans y connaître grand chose à ce que ça ferait concrètement et biomécaniquement, mais en tout cas a priori ça pourrait activer certaines zones et donc stimuler la pensée. Je pense qu'à nous deux, on tient une théorie, c'est bon. Validé. Je pense que la théorie n'est même pas neuve, théorie d'ailleurs. Théorie valide. Xavier, est-ce que tu valides cette théorie? Bien sûr. Non, mais en tout cas, par rapport à Aristote, puis on a parlé un peu de Nietzsche tout à l'heure, chez Aristote, moi, j'ai cette petite opinion, alors après, ça veut peut-être rien dire, mais Aristote, ça va bien avec sa pensée, quoi, en tout cas, parce que c'est une pensée qui prend, tu vois, si tu penses à la philosophie morale chez Aristote, c'est beaucoup du contextuel, tu vois, c'est pas le bien absolu au-dessus de toi, c'est tout est toujours une question de contexte pour valider si quelque chose est bien ou pas, tu vois. Donc, j'aime bien l'idée que ce mec-là, là, Aristote, on sait pas qui c'était, mais était pas un type qui voulait se mettre en haut d'une tribune et parler à ses élèves, mais se disait, qu'il pensait un peu plus horizontal et qu'il se disait, faut aller se dégourdir les jambes, faut essayer de se nourrir du monde, même si c'est pas après pour penser sur les gens qui croisent dans la rue, tu vois, mais au moins pour la posture physique, tu vois, de se dire, on va se promener, quoi. Ça me fait enchaîner sur, c'est parfait, Xavier, t'es très bon, parce que ça me fait enchaîner sur la deuxième chose que je voulais vous demander, parce que quand on est en mouvement, il y en a certains qui courent et qui se disent dans leur bulle, et il y en a d'autres qui courent et qui prennent en fait de tout ce qu'ils ont autour d'eux, quoi. Se nourrissent des choses qui sont autour d'eux. Du coup, c'est quel cas pour vous, David, peut-être? Est-ce que tu es dans ta bulle quand tu cours, ou est-ce que tu... Eh bien, bizarrement, j'ai envie de dire que les deux choses ne sont pas forcément opposées, en fait. ouais. Parce que courir en pleine conscience, comme je le professe en ce moment, ça implique de procéder à des scans environnementaux. Enfin, j'ai un peu expliqué, on se nourrit... enfin, on se nourrit vraiment, je pense, de l'environnement, de ce qu'il y a, les feuilles qui bougent, les cailloux qui se déplacent. Enfin, il y a plein de choses qui sont toutes bêtes, mais je m'avance pas trop parce que j'en suis pas vraiment là encore. Hein. Mais par la force des choses, on observe davantage. Et pourtant, ce type de scan, il y en a d'autres. Hein. Et ben, il se déroule dans ma bulle, en fait, comme dirait James. mais ouais, il a des citations de philosophes. David, c'est les citations de rappeurs. Je note les références, je ne connais pas ces gens. je ne les ai pas recommandées, hein, je les ai juste citées. Mais chacun voilà, pour moi, ce n'est pas forcément deux mondes complètement distincts. Quoi. Enfin, ok. Enfin, ce n'est pas deux choses contraires quoi, qui ne peuvent non, pas... Non, mais ça peut être... peut-être que ça peut être l'un et puis ça peut être l'autre, mais pour moi, ça peut être les deux aussi. Tu vois. Ok, ouais. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Xavier, ou... Non, mais j'ai un peu la même expérience quand je marche longtemps ou quand moi-même je vais courir mes petits kilomètres. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu descendre dans le réel, tu vois, ne pas être trop perché dans ses pensées. Faut observer ce qui se passe autour, être un peu à l'affût autant de ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quoi. Exactement. Xavier, aussi, tu as parlé dans ta chronique de... Tu mettais en relation, en parallèle, les libres penseurs et les coureurs libres. Alors, est-ce que tu pourrais nous l'expliciter un peu plus ? Moi, je l'ai compris de la façon suivante. J'ai compris que ce que tu voulais dire, c'était que les libres penseurs, c'est des gens qui ne veulent pas forcément se raccrocher à des doctrines... à des dogmes. Voilà, à des dogmes. Et le parallèle avec coureurs libres, c'est les coureurs qui n'ont pas forcément envie de suivre un cadre ou des règles qui ont été dictées, on ne sait par qui, depuis le commencement de la course à pied. Est-ce que c'est ça que tu voulais mettre en parallèle ? Oui. Oui. J'ai envie de répondre juste oui. Parce que c'est vrai que c'est chaud, mine de rien, comme parallèle. Mais en tout cas, le côté course à pied, je ne connais pas assez l'univers des coureurs, tu vois, pour tisser des liens super concrets. C'est peut-être pour ça que c'est un peu difficile de rapprocher les deux choses, quoi. Mais le penseur libre, bon, d'ailleurs, il y a des systèmes, des organisations qui se... définissent par rapport à ça, d'être des libres penseurs, c'est-à-dire... je pense aux francs-maçons, c'est peut-être un mot qu'il faut pas prononcer dans les podcasts, mais la franc-maçonnerie, c'est du syncrétisme, tu vois, ça vient se servir de beaucoup de disciplines différentes. Et en philosophie, je dis pas que c'est très proche, parce que j'y connais rien en franc-maçonnerie, mais un penseur, il a aucune raison valable, normalement, de simplement suivre ce que dit une doctrine, tu vois, c'est pas, il s'agit pas du tout d'être dans une école et de suivre, d'être formé à une manière de penser. Il y a aucun philosophe qui a fait ça. Tous les philosophes ont eu leur, on va dire leur maître à penser un peu, tu vois, soit parce qu'ils l'ont rencontré physiquement, soit parce que ils étaient fans de cette façon de penser. T'as ça aussi en littérature, hein, t'as Proust qui en parle dans la recherche du temps perdu, tu vois, d'être amoureux d'un écrivain, et puis arrive à un moment où, en fait, tu vas au-delà, tu tournes une page, alors Proust, je sais pas si je peux peut-être vous parler de ça, peut-être que Proust a une manière que j'aime bien, j'en ai déjà parlé dans mon podcast, mais de dire que, ça peut peut-être vous aider après pour la suite hein, du sujet, lui, à un moment donné, il s'est aperçu que l'auteur qu'il aimait lire, il aimait le lire parce qu'il y reconnaissait ses propres idées finalement. Tu vois, c'était une sorte de reconnaissance. Il lisait un truc, il se disait « Ah ouais, je pense la même chose, donc c'est cool. » Et puis est arrivé un autre auteur qu'il a découvert, où là, eh bien, justement, il se reconnaissait plus. Et il arrivait pas à comprendre ce qu'il avait sous les yeux, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là où il s'est dit, bah en fait, c'est ça qui me remplit de joie et puis qui me donne envie d'écrire et de penser, tu vois, c'est d'arriver vers quelque chose que je comprends pas. Ok. De la nouveauté, quoi. Ouais. D'accord. Alors, en fait, tu veux dire que dans le sens, il s'est rendu compte que finalement c'était trop facile de rester. Ouais. d'une certaine manière, c'est ça. Il était dans un, on pourrait dire, une zone de confort. Ouais, mais Et puis... Bravo. C'est interdit. C'est le... C'est interdit. Non, non, mais c'est... Enfin, si tu voulais marketer ça, ce serait ça, hein, de dire, voilà, t'es dans une zone de confort parce que tu lis des choses, que des choses que t'aimes bien, dans lesquelles tu te reconnais, et puis arrive quelque chose, tu te reconnais pas, et là, tu prends un risque, mais ça... Et ça te fait évoluer, comme la zone de confort, quoi. Moi, je suis consterné. Non, mais le courant libre, pour en revenir à lui aussi, c'est pour moi, c'est celui qui est en champ des possibles par son sport, quoi. Enfin, qui se limite pas juste à poser un pied devant l'autre, quoi. Il pense son sport, il réfléchit et il s'imprègne aussi des autres aussi pour multiplier les façons de pratiquer. Par exemple, il se dit que le résultat ou la performance, c'est pas uniquement des chiffres. Il y a d'autres critères comme le fait de se sentir maîtrisé, enfin de sentir qu'on maîtrise ce qu'on a fait, en fait qu'on a maîtrisé ce qu'on a fait, qu'on n'a pas subi, comme le fait aussi d'améliorer ses sensations, de rester lucide aussi et de pas s'abîmer ou de dominer ses émotions, sa douleur. Et je pense que c'est un élargissement de perspective qui pour moi me fait dire que le parallèle, il y a un parallèle possible, quoi, entre ce que vient de dire Xavier. Puis c'est prendre en main sa propre pratique, hein, plutôt que de suivre seulement des choses qu'on nous dit de faire. Ah oui, je pense qu'Emir, qui est quand même qui adore les choses à suivre, etc. Je pense que tu as quelque chose à dire là-dessus, Emir. Oui, en fait, j'ai une réflexion à partager, c'est que je me demandais si Xavier, d'ailleurs, tu peux rebondir dessus, c'est est-ce que, pour moi, en course à pied, très clairement, quand on vient d'arriver dans le domaine, quand on débute totalement, et c'est peut-être pareil en philosophie, tu débarques, tu suis, en principe. Sauf si vraiment t'es déjà hyper mature dans le domaine, mais ce qui en fait est un non-sens quand tu viens d'arriver. Je veux dire, si t'es hyper mature dans tes pensées sur un sujet, ou si t'es hyper cloisonné et que tu t'intéresses pas à ce qui se fait déjà, auquel cas tu peux être libre alors que tu débutes, est-ce que c'est pas plus difficile d'être libre justement quand tu débutes, puisque en priori quand tu débutes tu débarques et tu dis tiens qu'est-ce qui se fait dans ce domaine, et là tu as tendance à te positionner en tant que suiveur et donc pas vraiment en coureur libre. Est-ce qu'il y a un parallèle avec la philosophie là-dessus? Ça me paraît, enfin traditionnellement on présente pas les débuts en philosophie au sens quelqu'un qui s'ouvre à la philosophie de cette manière de libre ou pas libre. On se pose plutôt la question de est-ce que quelqu'un sent que c'est nécessaire pour lui de faire de la philo ou pas, parce que c'est pas vécu comme normalement une sorte de loisir justement, un truc qu'on pourrait faire parmi d'autres, tu vois, juste pour aller une discipline que tu peux piocher dans un coin, tu vois, à un côté marketing, consommation, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au début quand t'arrives en philo, rappelez-vous peut-être de vos années de terminale, t'as une telle somme de connaissances devant toi que c'est impossible en théorie d'arriver et de dire moi je vais penser comme ça, et t'es obligé de passer normalement je sais pas des années. Moi il m'a fallu du temps, même si j'avais mes philosophes qui me plaisaient, il m'a fallu du temps avant de dégager quelque chose de tout ça et de me dire vers quoi je voulais un petit peu aller, quoi, parce que t'es obligé d'apprendre d'apprendre Kant, d'apprendre Descartes, d'apprendre Locke, enfin t'es obligé d'être dans une situation où tu suis aussi un petit peu tes profs, les profs que t'aimes. Tu vas tellement te dire j'ai dit un gros mot. Tu vas tellement te dire ça se fait pas, ce sera coupé. t'as le rapport à la fois aux philosophes et à tes profs. Tu vas te dire c'est tellement bien, tu vas passer ton temps en fait à être amoureux d'un penseur ou d'un prof et d'essayer de suivre son parcours, quoi, comment il arrive là, avant de t'en réchapper après et te dire je passe à autre chose, quoi. Je comprends, c'est une approche qui me parle beaucoup, du coup, ça veut vraiment dire s'imprégner de ce qui se fait déjà, s'imprégner de l'existant, pour ensuite en dégager, après un certain temps, sa propre personnalité. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut connaître Dominique Chevelier pour faire du marathon? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tester au moins une fois la ceinture de gel tous les 5 km, pour ensuite savoir qui l'on est vraiment en course à pied? Ne l'a-t-on pas fait? Ouais. Peut-être bien, oui. Ah ouais. Peut-être bien. On est dedans. Mais bon. Est-ce que c'est arrivé, Xavier, que dans ton parcours, tu te rendes compte que un philosophe ne te convenait pas, on va dire, sa pensée ne te convenait pas, alors que t'y croyais en fait quelque part, quoi, tu vois. Ça a plutôt été l'inverse en général. Ouais. C'est plutôt que tu méprises un peu un philosophe parce que tu le juges trop vite. Ouais. Ça s'entend beaucoup. Tu vois, tu rencontres beaucoup de gens hors ou dans l'université, ou des fois, moi j'ai eu pas mal de collègues dans mes années professionnelles, ou des gens qui me disent qu'ils sont fans de la philo, mais ils ont jeté leur mépris sur Kant. Parce qu'ils en ont une idée, pour moi, fausse. Et moi, j'ai souvent eu ça, même, tu vois, Deleuze, dont je parle souvent. Ouais. Moi, au début, quand j'en entendais parler, j'étais hyper méprisant. Mais j'avais 18 ans, tu vois, je pense. Mais je disais, bah non, c'est même pas un philosophe, ce mec-là. Parce qu'en plus, ça s'étudiait pas du tout à l'université à cette époque. Et donc, c'est plutôt après coup que je me suis tourné vers lui pour me dire, ah bah en fait, c'est génial. Et après, je pense, par exemple, tu vois, j'ai très vite, dès le lycée, quoi, en gros, j'étais en train de ériger Nietzsche comme étant le philosophe indétrônable, etc. Et ce que j'ai fait, même, en entrant à la fac, c'est quand tu découvres que les choses sont plus complexes que ça, qu'il y en a encore d'autres, des philosophes, et qu'il y a beaucoup de textes, c'est de marquer un peu de distance et de prudence pour dire, ok, c'est pas parce que les textes sont géniaux et que t'aimes bien beaucoup de choses que tu dois juste le suivre comme un idiot. Je pense qu'il y a rien de pire en philo qu'un mec qui dit juste « Ah, moi, je suis Nietzschéen, et vous, les autres, vous avez rien compris, quoi, tu vois. » Non, mais ça correspond complètement avec l'image de l'édifice que tu prenais dans ta chronique. Je comprends. Bon, pour terminer cette réflexion, les gars, je vais vous demander si ça vous dirait qu'on crée des groupes de coureurs philosophes. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Oh. dubitatif. Je suis dubitatif. On risque ça m'a l'air d'être une belle discipline de niche. Et sans mauvais jeu de mots, hein, je ne parle pas de niche, je parle bien de niche. Et je pense qu'on aura très très peu de gens adeptes de cette nouvelle discipline. Mais bon. Non, mais Mardi, je veux pas te mettre mal à l'aise, mais ça veut rien dire ce que tu dis. Hein, je suis désolé. Hein, mais les philosophes pratiquent la philosophie. Il cherche le David, là. Les philosophes, eux, pratiquent la philosophie. Tu vois, c'est une discipline à part entière. Et nous, on pratique le running, quoi. Il y a pas les. Et tu peux pas être coureuse et philosophe à la fois? Xavier, non. Je crois qu'il dit non. Moi, j'ai écouté ses podcasts. Non, Xavier, il a dit oui. Oui, oui. Enfin, oui. Ou c'est Deleuze qui dit non, non, c'est pas ça. En tout cas, pour le fun, j'aimerais trop voir ça, être présent pendant la première course. Mais par contre, à mon sens, ça serait vachement plus rigolo déjà, et puis pourquoi pas même plus intéressant que ce qu'on appelle des cafés philosophiques, parce que les cafés philo, c'est vraiment dans le cliché de ce que je dénonce en général, tu vois, les gens qui s'assoient autour d'une table avec un petit café, et puis ça parle de Nietzsche, ça parle de Kant, mais bon, on voit c'est pas trop... C'est du développement personnel, en fait. Ouais, soit c'est ça... Voilà, moi, ce que je retiens, c'est que ce Xavier, il est de mon côté. Je sais pas... si, non, mais c'est. Mais en tout cas, l'idée, oui, l'idée d'un club de running philosophe, si tu fais ça, je pense qu'en plus, mine de rien, ça pourrait plutôt marcher, faire parler de lui. Oui, c'est vrai. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais bon. Non, mais nous, les runners, on ne philosophe pas. Et déjà, si on essaye de réfléchir, c'est déjà bien. C'est déjà cool. Si on arrivait déjà à trouver le sens de tout ça, tu vois, ça serait déjà une bonne chose. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire sur Jogging Bonito. Allez, on va donner maintenant la parole à David. Et puisqu'il me cherche, je vais pas être gentil avec lui, du coup, sur sa chronique. Oups. Bon, allez, David, on commence à te connaître. Prendre la défense des faibles et des opprimés, c'est ton cheval de bataille. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour mettre certaines personnes à l'écart, à tort ou à raison. Et les réseaux sociaux ont démultiplié le phénomène et créé une injonction communautaire à aimer certaines personnes, à en mettre d'autres de côté. Faut rester dans le rang. David nous dit ce qu'il en pense. Alors qu'on est en train d'enregistrer cet épisode, hein, Marine Leleu, un personnage dont vous avez déjà entendu parler si vous êtes un runner connecté aux réseaux sociaux, vient d'accomplir l'Enduroman, un triathlon reliant Londres à Paris, soit 140 km de course à pied, une traversée de la Manche à la nage, donc environ 40 km, et 290 km à vélo. Tout ça en un peu moins de 70 heures, ce qui constitue un record féminin de l'épreuve, s'il vous plaît. Une performance qui embarrasse une partie de la communauté, car Marine Leleu est moins connue pour ses performances que pour sa chaîne YouTube et son compte Instagram sur lesquels elle publie ses conseils de coach, et également disponible en livre, ses aventures sportives et ses partenariats avec des marques. Alors c'est pas vraiment l'odeur du tartan du club d'athlé de ta ville au complexe Léo Lagrange du coin, mais plus la rhétorique de la motivation bien à la mode du style « vous aurez tout ce que vous voulez si vous êtes prêt à tout donner » ou celle que j'apprécie particulièrement « les perdants se plaignent, les battants s'entraînent ». C'est du peura. Pas un louquin. Yeah, c'est du booba. L'inertie, l'impuissance et la déprime sont honteux au point d'être exclus du paysage. Sans surprise, on connaît la chanson, les hashtags qui vont bien, et vous imaginez comme je suis aux anges. Seulement, il aurait mieux valu pour les puristes que Marine Leleu se nique la cheville sur une bordure british, qu'elle se fasse bouffer par un requin influenceophobe, ou qu'un automobiliste lui refuse une priorité et l'écrase, si possible, une des personnes chargées de la suivre et de la filmer pour alimenter les stories sur Instagram. Car personne ne peut lui balancer à la gueule le fameux ah, elle sort un livre, elle. Elle a fait quoi ? Dane, Rick Hunter est obligé de discuter avant de sortir son flingue. Alors, vous allez vous dire de quoi elle parle, cette chronique ? Et moi, ouais, serein. On aimerait bien savoir. Et ouais. Moi, je suis serein et je vous répondrai, ben, j'en sais rien, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de prendre la défense de ces personnes qui raflent toute l'attention médiatique et qui sont, selon moi, des cibles faciles sur lesquelles certains de nos congénères expriment des sentiments minables, de la vulgarité et des arguments bancals. J'ai pas dit banco. J'ai vu des personnes qui, sans nier la performance sportive, parce que là c'est un peu difficile, hein, se sont dites dérangées que tous les projecteurs soient énormément tournés vers Marine Leleu. Il faut dire qu'avec plus de 400 000 fans, il y a de quoi faire du tintamarre. Même Margie, qui vit dans une communauté amiche, en a entendu parler. C'est bah non, figure-toi que non. Ah ouais. Ah, ça m'étonne. Non. Bon, cela dit, il est vrai que Martine... Martine Leleu, bravo. Martine fait l'enduroman. Martine. Cela dit, il est vrai que... Je reprends la phrase, quoi, histoire de ne pas garder le truc pourri, quoi. Mais vous allez la laisser, bande de chacal, je suis sûr. Non, mais c'est... Cela dit, il est vrai que Marine Leleu n'était pas la seule concurrente de cette épreuve. Il y avait même une autre femme partie quelques heures plus tôt qui a pu atteindre la ligne d'arrivée, même si elle a dû être arrêtée pendant la partie nage à quelques petits kilomètres des plages françaises, hein, à cause de la météo. Mais Perrine Fage, ou Perrine Fages, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, a pu aller au bout grâce à l'organisateur qui a continué à la suivre et à l'encadrer comme si elle était toujours en course. Comme quoi, c'est possible. Hein. C'est vrai que sa performance aura été éclipsée par celle de Marine Leleu et qu'il est tentant de trouver cela injuste. Je parle de Marine, mais j'aurais très bien pu parler d'Anne de Bendidou, dont j'ai défendu le livre dès le premier épisode de notre podcast. Hein. Bah parce que je trouvais que les critiques infondées à son égard... Enfin, je trouvais que les critiques, elles étaient infondées, hein, à son égard, donc. Où j'aurais pu prendre d'autres exemples, choisir d'autres personnes qui ont fait le choix de s'exprimer sur Internet avec plus ou moins de succès. Alors, je ne vais pas vous dévoiler si oui ou non le Télémaque avait des trésors royaux à son bord en 1790, mais seulement vous dire pourquoi en réalité je n'aime pas être du côté de ceux qui guettent leur proie la bave aux lèvres. D'abord, il y a l'argument de la légitimité, presque un réflexe pour tout bon hater qui se respecte. Je me méfie de ce drapeau brandi car la légitimité est pour moi une idée relative. On peut être plus ou moins légitime pour les uns ou pour les autres, on peut le devenir ou être en passe de le devenir, enfin en train de le devenir du moins. De plus, je n'ai pas la prétention de juger de la légitimité des autres. Ce qui m'importe le plus, c'est la notion d'honnêteté, la notion de sincérité. Ensuite, concernant la tension médiatique ou commerciale, sachez que cela n'a strictement aucune valeur à mes yeux. Tout le tralala, pour employer une expression des années 80, hein, à l'occasion, tout le tralala à l'occasion d'une course à laquelle il faut obligatoirement participer si tu ne veux pas être ringard, ça me fait vraiment ni chaud ni froid. Je préfère courir en paix avec la bombe batteriste de Pierre Billon en boucle dans mon Walkman plutôt que qu'être invité à la soirée de présentation des dernières Adidas Boost Flying Baboon 26, que sais-je. Ainsi, les Instacraneurs ne me volent rien, hein, ni popularité, ni avantage matériel. On n'a pas les mêmes attentes, les mêmes objectifs, la même disponibilité. Éprouver de la jalousie ou de l'amertume, c'est donner du crédit à cet écosystème. À l'intérieur, il n'y a aucune injustice, hein, les Instacraneurs et les Instacraneuses sont hyper crédibles. Et puis, il y a un élément que m'a inspiré Xavier dans son hors-série sur lequel nous dévoilons nos super talents de comédiens. Hein. Emir a passé quelques castings depuis d'ailleurs, il nous racontera ça. Hein. Donc, je vous explique. On peut s'indigner, pointer du doigt ou ridiculiser nos starlettes du running parce qu'on les trouve parfois médiocres. Mais à force de le répéter, de traquer les moindres faits et gestes et de nous monter la tête entre personnes un peu convaincues, hein, disons-le, qui appartiennent à un même groupe, eh ben on devient ce que Xavier appelle des marketeux du côté du bien. C'est un paradoxe quand même quand on reproche aux têtes de gondole de notre sport d'être des instruments du marketing. On collecte des informations, on cible, on jette en pâture et on espère que cela aura un certain retentissement. En fait, on n'est pas mieux. Tout cela entretient de la mauvaise foi et un biais de confirmation. Tout ce que nos proies feront ou diront sera systématiquement retourné contre elles. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Contre vous lors de votre procès. Voilà, c'est ça. Comme on dirait dans Texas Ranger, après une distribution de bourpif de la part de Chuck Norris. Pour moi, il y a une part de malhonnêteté qui me dérange. Ok. Il y a du vide intellectuel et créatif chez les personnes qui sont à la main du marketing et de la communication, peut-être, un petit peu. Cependant, il y a aussi des messages simples que les gens veulent entendre, parce que ça les aide à se sentir bien. Je n'ai pas envie de m'en prendre à eux. Par contre, j'avoue éprouver une once de mépris à l'égard de ceux qui tirent une petite gloire sociale en tapant à grands coups de poing cyniques dans le dos d'individus déjà bien amochés, influenceurs et influenceuses, comme on dit aujourd'hui, ou tout simplement leur public. Pour moi, c'est du réchauffé. J'aimerais qu'on puisse aller au-delà en réfléchissant ou même en déconnant sur ce que ça nous dit de notre microcosme ou plus largement de notre société. Comment on fait pour se renouveler, pour être libre et sortir des schémas, hein, pour tirer parti de ce désir d'échange à travers un projet collectif, etc. Enfin, il y a plein de choses à creuser là-dessus. Mais tant que ces perspectives n'existeront pas et qu'on restera pépère à faire tourner le commerce du dénigrement et de la condescendance, je refuserai de choisir mon camp et au lieu de leur refuser l'accès aux enfers en laissant leur âme errante, je m'appliquerai sans forcer à trouver des trucs cool chez Anne de Bendidou, Élie Killeuse et Marine Leleu, incomprise telle le jardin des délices. Oh là là, bravo. David, défenseur des opprimés. C'est tellement ça. C'est une vocation. C'est ça, ouais, c'est ta vocation, c'est sûr. Bon, ils n'ont pas besoin de moi, hein, bien sûr, mais bon. Ouais. Bon, attendez. Je défends les personnes attaquées. C'est ça. Bon, avant de discuter de façon sérieuse, réfléchie, intelligente, bon, j'ai envie quand même. Il faut avouer quand même, il y a au moins une personne sur les réseaux sociaux que vous suivez, mais que vous n'aimez pas, juste. Par oui. Ce sentiment très laid et pourtant très humain qu'est la jalousie ou l'envie. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ah là, je crois que je peux dire le contraire. Je passe en tête, là. Non, vraiment. C'est un truc de fille, alors. Quelqu'un qu'on aimerait... Enfin, un truc qu'on suivrait... Comment on dit? C'est quoi le mot anglais stylé? Du trash follow? Comment on dit? C'est quoi le mot? C'est ça? Quand tu follow pour... J'ai pas le mot, mais il y a un nom. Juste pour hater, tu vois. Comment on dit en anglais, tu vois, un truc stylé? Le trash talking. Il y a un terme, mais je m'en souviens plus. Ah, on l'a pas, mince. On n'est pas assez in, c'est pas ça. Ah non, on l'a pas. Mais c'est vrai que ça, j'en vois énormément sur Twitter en particulier, de gens qui follow des gens et dès que la personne fait un truc probablement par biais de confirmation, comme dit David, hein, dès qu'une personne fait quelque chose, même si c'est anodin, même si quelqu'un d'autre avait fait cette chose, et que ce serait passé totalement inaperçu, bah sur celle-là, et ben ça pose problème. Sur celle-là, tout le monde a chopé. Tu vois. Ouais. Et ça, je l'observe complètement. Maintenant, voilà, pour répondre à ta question plus clairement, j'ai pas l'impression que je suis des gens en me disant ah ça doit être mortel son truc. Je suis jaloux. Non. Ouais. Oh, bah c'est très bien. C'est très bien. Toi, David, peut-être. Non. Non, enfin, il y a quelques années ou quelques longs mois, on va dire, moi j'avais découvert sans doute tardivement Marine Leleu. J'étais tombé en fait sur une vidéo d'arrivée à un marathon qui était auto-filmé hein, et avec des larmes quoi. Et il y avait une espèce de mise en scène, enfin pas une mise en scène, mais il y avait pleine d'émotions, dramatique. Tout ça, dramatique, ouais. Au moment où elle avait les larmes, et puis elle cadrait bien, quoi, tu vois. Et ça m'avait un peu saoulé, quoi. Par contre, ouais, honnêtement, je la suivais pas, quoi, mais j'étais tombé juste dessus comme ça. Et là, d'avoir entendu parler de son exploit, hein, qui n'est pas anodin, je la suis pas non plus, en fait. Ouais, mais bon, enfin, c'est pas parce que tu ne la suis pas que tu ne reconnais pas ce qu'elle fait, quoi. Non, mais pour des personnes comme ça, enfin, quand t'es un petit peu sur les réseaux, en tout cas chez les runners connectés, on va dire, c'est parfois très difficile de passer à côté, même quand tu les suis pas, en fait, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Oui, complètement, parce qu'on est dans une communauté où les gens, enfin, on a forcément des gens qui justement vont la suivre, puisqu'elle est très marquante dans le domaine. Et du coup, moi aussi, sans suivre directement Marine Leleu, a priori, j'aime bien ce qu'elle fait. En tout cas, j'ai absolument rien contre. J'avais pas su à l'avance qu'elle faisait l'enduromane, et donc j'ai pas eu l'idée de la suivre. En revanche, c'est juste en me baladant sur Twitter, sachant que j'ai une TL qui est très concernée par la course à pied, bah, j'ai pas pu manquer le truc. Hein, c'est un peu comme les actualités qui viennent à nous, quoi. Donc Xavier, dis-moi toi quand même que tu suis des gens et t'es jaloux aussi. Ouais. Allez. Est-ce que je fais du hate follow? C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, dis-moi, merci. Parce que les deux là, ils sont parfaits, mais dis-moi que toi, t'es pas parfait. Ouais, j'avais le temps. non, la seule chose que je fais en comparaison, c'est... par exemple, quand en philo, de temps en temps, j'essaie de pas trop en parler justement pour être dans un côté positif et pas passer mon temps à avoir mal, à souffrir en lisant des trucs que j'aime pas. Mais c'est que j'ai au moins ouvert une fois dans ma vie, je vais les citer, mais tu vois, des Onfray, des BHL, etc. J'ai ouvert au moins une fois pour voir ce qui était vraiment écrit dedans, tu vois. Mais je vais pas les suivre sur les réseaux sociaux, ça. Et tu crois pas que c'est quand même une bonne chose si on prend Onfray ou parce que ça popularise la philosophie peut-être. Enfin, ça ouvre une petite porte. Ça c'est l'argument principal en général si tu t'en prends. Mais c'est ce que je fais. Je ne le fais plus depuis longtemps parce qu'au début j'étais très comme ça justement. Quand j'entendais quelqu'un me dire je lis Onfray quand j'avais 19 ans, que j'étais à la fac, j'aimais bien lui dire Onfray à 19 ans il n'était pas très connu, mais c'était plutôt les d'autres nouveaux philosophes comme on les nomme. Là j'aimais bien rentrer dans le tas et dire mais non c'est de la merde, c'est pas de la vraie philo, etc. Après je suis convaincu que non, les vulgarisateurs n'ouvrent pas la porte vers la philosophie pour des raisons philosophiques d'ailleurs, enfin qui sont que on va reparler d'Aristote vite fait hein, mais normalement tu es censé toi-même en tant qu'individu éprouver un étonnement philosophique. C'est pas un truc mystique hein, c'est pas une révélation, mais t'es censé ne pas comprendre avant de te dire que je vais comprendre. Donc si tu vas vers des choses trop simples tu vas finir par comprendre ce que dit le vulgarisateur, mais tu rentreras pas dans la philosophie même. Est-ce que les profs ouvrent les portes de la philosophie? C'est une bonne question ça. T'as deux types de profs pour moi. T'as le troisième type dont on va pas parler, qui est le prof qui est complètement en dehors du coup, qui fait pas vraiment cours. Il y en a, on en a peut-être connu, ouais. Voilà. Mais le premier type, c'est celui qui va quand même te nourrir de connaissances. C'est-à-dire qu'il va faire du bon boulot, il doit faire cours sur tel aspect de la philosophie, au moins tu vas apprendre des choses. Alors ça serait comme peut-être lire beaucoup de choses, mais c'est en live avec le prof. Donc lui il te donne pas un indice de ce que c'est que la philosophie, mais il te donne de la culture philosophique. Et puis, t'as le deuxième type de prof qui est beaucoup plus rare. Bon, moi, j'en ai eu deux, trois, on va dire. Qui, eux, vont te faire forcer à penser, quoi. Ils vont te booster ta curiosité, quoi. À chaque fois, ils vont... Je me souviens de certains profs où chaque cours, t'avais... je sais pas, des dizaines de moments où tu te disais « Ah purée, c'est ça qui me fait vibrer en philosophie, là il y a un truc à penser, voilà. » Et pour en revenir à la chronique de David et à la course à pied, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des vrais coureurs et d'autres personnes qui n'auraient pas le droit d'avoir ce titre de coureur ? On va créer un label. Ouais, c'est ça. C'est une question. Émir, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus. Je peux pas, je vais m'accaparer l'émission s'il faut répondre à ça. tu vas la garder pour une autre chronique. On a déjà eu l'occasion de traiter un petit peu ce sujet quand même, aborder sur certains angles. Mais... Enfin, plutôt pour essayer de limiter un peu ma réponse à ça, je dirais que pour moi, c'est, disons que c'est pas parce qu'on fait un étalage plus ou moins fort de ce qu'on fait dans le sport sur les réseaux sociaux que c'est nécessairement malhonnête, ou que c'est nécessairement pour l'appât du gains en termes de followers. Parce que là où je rejoins David, c'est que le fait d'attaquer des personnes qui partagent des choses sur les réseaux sociaux, parce qu'elles partagent des choses sur les réseaux sociaux, en niant complètement l'intérêt de la dite chose qui a été effectuée, pour moi, ça n'a aucun sens. Le fait de dire « moi, je n'arrive pas à voir l'exploit de cette personne » ou au contraire « je ne me retrouve pas dans cette personne » ou « je ne vois pas cette personne comme une sportive » tout simplement parce que la personne aurait effectué un jour ou l'autre un placement de produit ou parce qu'elle aurait effectué un jour ou l'autre une communication un petit peu peut-être maladroite, je n'en sais rien, eh bien je trouve que ça s'appelle nier complètement l'exploit sportif en se basant sur des choses superficielles. Voilà, enfin, moi je comprends pas pourquoi des personnes comme Marine Leleu, pour le coup, qui réalisent des exploits sportifs qui sont absolument indéniables, devraient subir des railleries ou des moqueries ou des haters de partout, là, alors que ce qu'elle a fait, c'est accessible à extrêmement peu de personnes et que le commitment, l'engagement qu'il faut pour faire ça, il est 1000 fois, mais alors 10 000 fois au-delà de juste faire du follow, même si pour le coup, il est vrai que le dommage collatéral de tout ça, c'est qu'elle a fait un max de follow. En attendant, tu fais pas ça pour faire du follow. Hein, ça n'est pas possible pour avoir déjà été dans des situations d'endurance, et jamais autant d'heures qu'elle, hein, d'ailleurs, hein, je le précise, j'ai jamais fait autant d'heures que ce qu'elle a pu faire en non-stop. Bah, pour avoir fait des dizaines d'heures d'efforts... Combien ? 70 heures. C'est 70 heures, elle a fait. Pour avoir quand même vécu des dizaines d'heures d'efforts, je me dis qu'on se met dans de telles situations que la seule motivation qu'il peut avoir, elle parle vraiment de soi-même et de son désir profond d'aller voir ce qui se passe dans ces cas-là, quoi. Ouais, parce que je pense qu'il y a des moyens plus faciles de récupérer des followers. Bien sûr, autant faire un concours de dégustation sur Facebook, ou ouvrir, ouvrir un blister de cartes Pokémon, ça ira plus vite. Non, mais sérieusement, attends les mecs. C'est pas un peu du snobisme aussi, de la part... des gens qui vont en critiquer Je sais pas quelles sont les motivations. D'accord. À vrai dire, j'ai du mal à trouver un hater qui prend le temps d'expliquer convenablement s'il y a vraiment du fond dans sa pensée. En général, quand je trouve quelqu'un qui va venir dénigrer un petit peu rapidement ce genre de truc, le fait de lui... arriver à obtenir une explication de cette personne, c'est quand même, ça relève souvent de l'exploit, quoi. Mais justement, le cas de Marine Leleu, il est intéressant parce que il y a des haters, ils sont moins nombreux hein, que pour certaines personnes, parce que justement, elle a réalisé un exploit qui fait. Tu la fermes un petit peu quand même, voilà, c'est ça. T'as envie de la fermer un petit peu, quoi. Mais pour autant, il y a quand même des gens qui ont, enfin, tu vois, qui se sont dit. Ah ouais, mais il y a quand même une exposition un peu peut-être démesurée. Oui, d'accord. Elle a pu faire de l'ombre à d'autres personnes et tout. Non, mais on aurait tort, de toute façon, de lui rentrer dedans, c'est évident. Mais pour ce qu'elle fait à côté, etc. Mais en même temps, même une autre personne qui n'aurait pas fait le quart de ce qu'elle a fait, je maintiens que... Tout comme je pense avoir compris Xavier, que quelquefois c'est ça peut être drôle, quoi, mais qu'après, quand on est dans l'acharnement, on market un petit peu ça, finalement, quoi, tu vois, on en fait aussi notre propre fonds de commerce, on se ligue contre ces personnes. Et est-ce que c'est mieux, en fait, tu vois, est-ce que c'est mieux? Moi, je choisis pas mon camp, là, tu vois, pour le coup. Non, clairement c'est pas mieux. Si tu veux, Xavier, est-ce que j'ai compris à peu près tes remarques? Ouais, et si tu veux, j'ai une petite phrase de notre copain Gilles Delos, qui écrit « Ceux qui critiquent sans créer, ceux-là sont la plaie de la philosophie ». Donc c'est par rapport à... c'est une phrase que tu peux appliquer en fait un peu partout, c'est-à-dire que c'est pour ça que je m'acharne pas sur les nouveaux philosophes ou les vulgarisateurs. S'il y a des mecs qui trouvent que c'est une bonne chose pour eux, je vais pas leur dire non, ce n'est pas bon pour toi. Il y a pas d'argument contre ça. Là où j'essaye en général de réorienter le truc dans mon podcast ou en discutant avec quelqu'un, c'est de dire attention, c'est pas forcément parce que ça t'apporte quelque chose que c'est de la philo, quoi. Enfin, tout à fait. C'est pas grave si c'est pas de la philo. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça me fait penser, enfin, ça pose la question aussi quand on parle des gens vrais coureurs, vrais philosophes ou quoi. C'est une question de légitimité finalement. Ah, la légitimité. Et ouais, non mais. Et je pense qu'on va interdire aux gens de s'inscrire librement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une super vaste question là aussi, et c'est hyper subjectif de savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne est légitime. En tout cas, ce qui fait, je pense, que les personnes comme Marine Le Leu sont parfois vues comme des personnes non légitimes, c'est que Marine Le Leu, elle a quelque chose d'assez étonnant, qui est qu'elle combine les codes de l'influenceuse qui ne fait pas des choses incroyables, en quelque sorte, hein, qui a un lifestyle, on va dire, très banal, si je peux me permettre, hein, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais... Cliché, disons. Cliché, merci, David. Mm-hmm. Et à côté de ça, elle te fait des trucs qui sont tout sauf banal. Du coup, tu vas la retrouver sur un placement de produit un peu nul, sur de la Fnac, par exemple, hein, où il n'y a pas de créativité, il n'y a rien de spécial, et à côté de ça, elle te fait l'enduroman. Donc, quelque part, je pense qu'il y a certains haters, ils ne savent plus où se mettre. Ça casse les codes, qu'est-ce que je fais ? Fermez vos bouches. Ouais, ils savent plus. D'un côté, tu as envie de la critiquer parce qu'elle a fait un placement un peu nul, mais bon, qu'est-ce qu'il y a ? Ça arrive à tout le monde, finalement. À un moment donné, il faut manger, je ne sais pas quels sont ses moyens, hein, je ne la connais pas, mais je suppose que si elle fait un placement, elle a ses raisons. Du coup, les haters, ils sont là, ils sont chauds, elle a fait un placement nul pour si. Et à côté de ça, la nana, elle te fait des trucs qui sont absolument surhumains, quoi. Donc je pense que son cas, il est quand même hyper complexe, et sa légitimité, du coup, elle l'a clairement trouvée dans ses exploits sportifs, mais elle donne quand même à manger des petites choses aux haters de base. Est-ce que la légitimité, finalement, c'est si intéressant que ça, quoi ? Je veux dire, on va interdire les gens de s'inscrire dans les courses. Super bonne question, ça. Je veux dire, on va faire des dossiers. Ils vont devoir déposer des dossiers. Il y aura des entretiens avec lettres de motivation. On aura des psys qui vont analyser l'écriture pour voir si t'as une bonne foulée. Tu vois, est-ce que c'est si intéressant, finalement, la question de la légitimité? Est-ce qu'on devrait pas évacuer ça en se disant que c'est subjectif de toute façon et qu'il y a d'autres choses plus intéressantes, quoi? Pour notre futur groupe de psychologues runners, faudrait qu'il y ait un formulaire d'inscription dans lequel tu donnes pas un certificat médical, tu as juste un champ libre vide qui s'appelle « Qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» Et du coup, tu lis ça individuellement, et si ça te va, là, il est inscrit. En version running, ce sera « Pourquoi tu cours ?» Ah oui, très bien, magnifique. Vous avez 4 heures. Xavier, tu as quelque chose à dire sur la légitimité? Peut-être en philo, on en parle ou... On n'en parle pas, après c'est plus si tu t'exposes, je pense, sur la scène médiatique ou réseaux sociaux, si tu viens, c'est pour ça que ça, je me suis jamais amusé à le faire, mais tu vas pas répondre à un commentaire d'un de ces types que j'aime pas pour dire, tiens, c'est même pas de la philosophie, forcément il y a des gens qui vont se retourner vers moi et me dire, mais toi t'es qui pour dire ça, t'es jamais passé à la télé, t'as pas écrit un bouquin. Donc la légitimité, j'ai envie de dire, c'est pas très intéressant. Mais tu te poses ce genre de questions, à mon avis, si tu en viens à vouloir parler en public, quoi, prendre position. Et là, forcément, tu rentres là-dedans. Tu pourras pas dire, c'est pas grave ma légitimité. C'est clair. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la légitimité est immédiatement liée à la prise de parole en public ou au fait de publiquement, publiquement faire... Si tu fais ton propre truc, tu n'as jamais besoin de te poser la question de la légitimité, c'est sûr. Légitimité vient avec le moment où tu te positionnes en personnage public, en conseiller ou en critique. Qui es-tu pour faire ceci ? La question se pose qu'au moment où tu prends un certain engagement public, clairement. Ouais. Je pense qu'il y a un côté... Enfin, moi, je vois, par exemple, par rapport à la philo et par rapport à mon podcast, j'ai jamais dit « Ceci est un podcast de philosophie. Je suis philosophe. Je vais vous expliquer ce qu'est la philosophie. » Je dis pas ça du tout parce que je pense pas. Donc, moi, je me dis que dans ce cas-là, j'ai pas en plus besoin de me justifier. C'est une autre approche, quoi. Par contre, si tu dis « Bonjour, je vais vous expliquer ce qu'est la philosophie. » Là... tu vas être attendu au tournant, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Là, c'est une phrase pour déclencher les « qui es-tu pour ?» Voilà. David, tu voudrais rajouter quelque chose aussi ? Ouais, il y avait la question de l'humour. Hein. Enfin, ouais, parce qu'il y a le second degré, quoi. Et il est hyper développé chez nous, avec les réseaux sociaux, bien sûr. C'est vraiment drôle, quoi. C'est vraiment source de créativité, j'adore ça. Et ce qui me chagrine un peu, c'est que quand il y a de l'humour second degré, et je l'expérimente même personnellement, hein, il y a souvent des réactions de gens qui veulent exprimer leur accord, mais souvent leur réaction, elle est hyper premier degré, quoi. Et c'est parfois même ordurier, quoi. Par exemple, vous avez vu, enfin, vous avez peut-être pas vu Marjolaine, mais sur Marine Le Leu, en fait, il y a énormément de gens qui ont exprimé l'envie, en fait, de publier des photos d'eux qu'ils avaient prises, en fait, on va dire, avec Marine Le Leu, aux côtés de Marine Le Leu, quoi. Donc, ils ont profité pour, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de la rencontrer, quoi. Et puis, ils témoignaient comme ça, enfin, voilà. Et bon, je trouve ça marrant, en fait, de voir énormément de photos sortir comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est dans une stories Instagram, j'ai fait un montage foireux, comme j'aime bien les faire de temps en temps, en mettant avec Marine Le Leu, quoi. Mais c'était juste comme ça, quoi. C'était vraiment, il y a un petit move, là, ça me fait rigoler. Ben, moi aussi, j'ai une photo, quoi. Et en fait, j'ai eu des gens qui ont répondu et qui étaient agressifs, en fait, quoi. T'ont pris pour un hater? Marine Le Leu. Ouais, carrément. Ouais. Qui m'ont pris pour un hater, mais qui ont vraiment hété, quoi, tu vois. Ils l'ont pris dans le sens que tu te moquais de Marine Le Leu, c'est ça ? Ouais, j'ai eu même la question, okay. Quoi. J'ai eu même la question, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai eu la question, quand tu fais ça, est-ce que c'est bien pour l'attaquer et tout, quoi. Enfin, tu sais, c'est un peu comme si je te lâche un peu d'ironie. Un peu de sarcasme. Maintenant, on lynche, quoi. Ouais. Ouais, voilà, quoi. Et ça, bah, par exemple, pour les genoux dans le gif, là, c'est ce que je leur reproche, moi, perso, quoi. C'est de lancer des trucs qui sont drôles, de voir qu'il y a des réactions parfois qui sont premier degré et d'en jouer, en fait, quoi, derrière. Et bon, enfin, bon, voilà. Quoi, c'était... Bah, l'humour, c'est difficile aussi, enfin, parce que chacun va le prendre différemment et... Ouais, c'est ça. Je... Et en plus, il y a la barrière des réseaux sociaux. Enfin, c'est ça. Oui, tu peux pas savoir quelle est l'intention de la personne. Et le problème de ça, c'est que quand tu peux pas savoir quelles sont les intentions de la personne et que t'as malheureusement été trop habitué sur des réseaux sociaux, ne pas aller à tout hasard Twitter, à voir des gens qui viennent hater. Du coup, toi, t'as l'habitude de... Enfin, du coup, t'es devenu aigri face à ça. Et du coup, le moindre truc qui ressemble à du hater par rapport à ton influenceur préféré, t'as envie de lui mettre un coup de tête, même si c'était le plus gentil des haters. Tu vois ? Du coup, là, tu te retrouves avec des gens qui font de l'humour un petit peu banal, qui ont rien contre la personne. Tu te retrouves avec une armée de anti-haters qui débarquent et qui mettent des coups de tête à tous mêmes gentils haters tout gentils qui sont même pas des vrais haters. C'est vrai aussi. Bon, Xavier, t'auras remarqué que notre anglophone du groupe, c'est Emir. Hein. C'est clair. Ah, bien je sûr. Je sais dire que le mot « hater ». Hater. Je me suis entraîné. Les autres mots, je sais pas les dire. « Hater », ça me suffit. Je me suis entraîné. Et l'humour en philo, Xavier, il y en a aussi ? Il y en a de deux façons. Déjà, c'est un sujet. Ouais. T'as le rire de Bergson. Tu peux étudier ça pour savoir ce que les philosophes ont dit de l'humour, fonction sociale et tout le bazar. Et puis après, t'as de l'humour dans les textes. C'est un truc dont on parle pas forcément très souvent, mais puis c'est pas forcément évident parce que c'est pas des blagues qui vont te faire mourir de rire. Faut déjà les quand tu vas lire le texte. Et en plus, faut dénicher la blague dans voilà. Tout le bordel, dans tout le foutoir du texte. Mais moi, je trouve que les philosophes sont avant tout des écrivains, quoi. C'est des mecs qui écrivent. Puis après, t'as la question de la traduction, parce que bon, si tu veux dire que Kant c'est vachement drôle en allemand, en tout cas en français, je peux te dire que c'est pas très drôle. Mais par contre, même chez Kant, vers la toute fin de la critique de la raison pure, t'as une petite. Alors que bon, c'est un peu laborieux, c'est vraiment dans le côté j'explique ma philosophie. Puis tout d'un coup, il a une petite phrase pour toi qui t'est tapé des milliers, enfin un bon millier de pages avant. Qui a un petit clin d'œil, au lecteur. Je pense que moi, je vois les philosophes comme des mecs qui avaient le sens de l'humour pour beaucoup, mais après, je peux me tromper, hein, tu vois. Mais je pense que le fait d'avoir un peu d'humour de temps en temps dans un texte, ça te montre que le mec est sain d'esprit, ouais, quoi, presque. C'est vrai. Et quand t'écoutes les cours de Deleuze sur Spinoza, etc., tu peux les écouter. Même il y a des sites internet ou sur YouTube, tu verras que Deleuze, il passe son temps à faire rire les gens, quoi, ouais. En fait. Il fait pas des blagues de potage toutes les 5 secondes, mais il aime bien faire respirer son truc en disant un petit truc qui détend. Bon, les bonitos, on va les perdre, les bonitos vont croire qu'on est devenu trop intelligent. Alors, pour terminer, on va... Ouais. Non, les philosophes n'est pas forcément intelligent. Ouais. Non, mais qu'on réfléchit trop, ça va plus, là. Pour terminer, on va rigoler un petit peu. Et pour terminer cet épisode, on a pensé qu'il serait dommage de ne pas profiter encore un peu plus des connaissances de notre invité. Pour cela, nous lui avons concocté un questionnaire spécifiquement pour lui, qui va nous aider, nous, Bonito, à y voir un peu plus clair dans notre pratique ou notre conception de la course à pied. Alors Xavier, j'espère que tu es prêt. Je vais ouvrir tous les onglets Wikipédia sur tous les philosophes. Alors, je vais te soumettre des phrases, des doctrines ou des slogans enfin, qu'on associe à la course à pied ou au sport en général, qui reflètent un certain état d'esprit. Ton défi, ça va être d'arriver à associer ces phrases à un philosophe qui, d'après ses idées ou les doctrines qu'il défend, ça rapprocherait le plus. Bah, oui, une Donc, idée, quoi, on va dire. Quoi. Ouais, ou une idée, okay. Pas forcément. Bon, faudrait le prendre avec humour, hein, parce que... Ouais, si possible, ouais. parce que... Ça va pas être très scientifique, ce que je vais dire. Mais c'est pas grave, c'est vrai. Donc, c'est ce qui te vient à l'esprit. Hein. Et s'il y a une phrase qui t'inspire pas, bah, c'est pas grave, on passe à une autre, ok? Donc, okay. La première, c'est « Tout est possible si on le veut vraiment ». C'est chez les Grecs, ça va être, un Cicéron, allez. C'est vrai? Cicéron. Et moi, j'ai lu un truc il y a pas très longtemps, c'est Paul Ricoeur qui dit, ça m'intéresse vachement ce truc-là, il dit, c'est quoi, enfin, en gros, hein, le pouvoir peut être à l'origine du vouloir, et c'est parce que je peux, c'est parce que je le, enfin, que je, c'est parce que je peux que je veux. C'est dans l'autre sens, alors. Ben ouais, enfin... Ouais, oui, c'est dans l'autre sens, parce que moi, justement, ouais. je suis pas en phase avec le « tout est possible », pas complètement, quoi. Et ce qui est fou, okay. David, ce que tu viens de dire, c'est exactement, je pense, la raison pour laquelle je fais des ultras. C'est parce que je le peux, en fait. Et c'est pour ça que je le veux. Juste, c'était une aparté comme ça. Je le veux parce que je me dis que, vu que ça m'est possible et que c'est pas quelque chose de commun, alors j'ai envie de le faire. Voilà, c'était tout, j'avais envie de dire ça, pardon. Non, mais ça va. Mais du coup, on a changé la phrase. Xavier, ça te... Ah il y a qui penserait dans ce sens-là, dans l'autre sens. Et vous devriez faire des phrases aussi, des petites citations sur Facebook avec vos propres slogans. Nos pains, nos gains. Ah, pardon. Allez, ben attends, ben justement, Émir, tu tombes bien, c'est la deuxième que j'allais lui poser. Nos pains, nos gains. Voilà. Xavier. No pain, no gain. Allez, je vais dire Diogène, le cynique. Ah, le cynique. Je vous encourage à lire, si vous avez l'occasion, des fragments, souvent, parce que c'est pas des mecs qui ont écrit des textes et tout ça, c'est ce qu'on appelle les pré-socratiques. Alors, c'est avant Socrate, ça remonte un peu à loin. Mais c'est des vies passionnantes, c'était des mecs qui allaient jusqu'au bout de leur... de leur truc, quoi, et cynique. Et le, je dis cynique parce que Diogène, il vivait, tu sais, bon, c'était pas un asset, genre, c'était, le but, c'était pas que de souffrir, mais il vivait de rien, quoi. Enfin, il vivait dans la rue comme un, bah, c'était un SDF avant l'heure, quoi. On passe à une autre phrase. Sois meilleur que toi. Oh. Waouh. Bah, ça, je vais dire un truc, genre, il y a un petit côté de Nietzsche, hein, tu vois, là-dedans. Ah, Nietzsche, enfin. Bah, je pourrais le caser dans beaucoup de... Mais ouais. Bah, si c'est... Ouais, je vais être un autre. Faut se dépasser. Ok. Et alors là, voilà, pour la prochaine, c'est, un... enfin, c'est une phrase qui est plus pour les bonitos, quoi. Enfin, on en a parlé beaucoup dans Jogging Bonito. Et on va t'expliquer si tu vois pas ce qu'on veut dire par là. Pas plus de 2 marathons par an. Est-ce que tu vois ce qu'on veut dire ou... C'est parce que ça serait trop d'en faire plus. Bah c'est-à-dire que c'est les puristes te diront que pour ton corps, etc. Faut se limiter. Il faut se limiter. Alors du coup, faudrait choper un. C'est la raison en fait, un peu non? Un sage, ouais. La sagesse. Aussi. On a qu'à dire Descartes. Alors un mec posé, prudent. Lui ouais. Descartes, il ferait pas plus de 2 marathons par an. Okay. Mais il en ferait peut-être 2. Hein. Très bien, très bien. Je vois qu'on encourage la croyance limitante. Bravo, très bien. Et une petite dernière. Do it. Just do it. Do it. Just comme do it. Comme dirait un grand philosophe. Les chiens à la bœuf. Do it. C'est un peu fait de Xavier, il est extrêmement inspiré par les phrases motivational speech qu'on a dans notre domaine. Hein. Enfin, ils s'en sortent très bien. Oui, très bien. Et il faudrait un philosophe qui se lève un peu, qui dit « vas-y, bouge ton cul ». J'ai envie de dire que Nietzsche, il va bien avec... tu vois, chez Nietzsche, tu trouverais plein de phrases de motivation. Ah ouais. Même si on les comprendrait pas forcément, mais tu vois, des trucs un peu dans ce goût-là. Non, mais tu vois, « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort », c'est un truc que tu retrouves dans des citations de motivation, alors que pris comme ça, tu sais pas forcément ce que ça veut dire chez Nietzsche. Mm-hmm. Mais j'ai envie de redire Nietzsche. Ah bah, Nietzsche, c'est le mec qui te fait courir. Bon, en fait, c'est le philosophe des coureurs, ça se trouve. Mm. Bon, et pour terminer... Pour votre club, là, ouais. Ouais, c'est ça. Et pour terminer en beauté, tu as pu expérimenter les argumentations respectives de David et Émir. Alors, quel philosophe pour Émir et quel philosophe pour David? Émir, je le vois plus comme un sage, un peu, tu vois, je vais dire... Allez, au hasard. Allez, je vais dire... Là, c'est pour la blague, c'est pas du tout scientifique, hein, ce que je vais dire. Je vais dire un philosophe anglais, genre Hume. Mm-hmm. Et Nietzsche... David, je pense à Nietzsche. C'est un Nietzsche. On va causer Nietzsche partout. C'est bon. Moi, c'est pour, bon, David, pour David, j'aurais dit Mélanie Georgiade, hein, qui est l'auteur, du concept de génération non-nom, hein, qui du coup est bien connu de David. Voilà, cette fois-ci, nous y sommes, les bonitos. C'est la fin de l'épisode. Un grand, grand merci à Xavier pour sa participation. Ça nous a décrassé les neurones, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour retrouver l'esprit libre de Xavier, allez faire un tour du côté de son podcast, Comme en passant. Vous pouvez également le retrouver sur les réseaux sociaux. Le mieux pour interagir avec toi, Xavier, c'est quoi? Twitter, Instagram Ouais, Twitter. Bah, Instagram, si vous voulez voir des photos du Japon. Ouais. Et puis Twitter pour causer. Ok, parfait. Les bonitos, nous espérons que vous aurez apprécié autant que nous. N'oubliez pas de venir en discuter avec nous sur Discord. Et bien évidemment, venez nous témoigner votre amour sous la forme de 5 petites étoiles accompagnées d'un commentaire sur iTunes. Xavier, merci à toi. Salut, bah, à bientôt, j'espère. À bientôt aussi, j'espère. Oui. David et Émir, on se retrouve le mois prochain ou pas? Avec plaisir. Ah bah quand même. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Merci beaucoup Xavier d'être venu parmi nous. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup beaucoup plu. J'espère que j'ai assommé aucun de vos auditeurs. Pas de risque. C'est pas dit. Nous, tu nous as bien tenu éveillés en tout cas. C'est pas dit quand même. Merci infiniment. Ouais. Allez, merci. À bientôt les bonitos. À très bientôt. Bye. Ciao. Bye.